Bon, alors j'ai développé le projet délirant de raconter quelque chose sur la question préliminaire dans les écrits. Je vais juste me contenter en fait de commenter les premières pages. Mais au fond, pour le but que je poursuis, je ne crois pas du tout qu'il y ait besoin de rentrer dans les détails. Parce que ça n'a pas besoin en fait d'être plus expliqué. Le reste, de toute façon, en général, il y a des tas de commentaires qui existent. Ce que je me propose de faire, c'est d'essayer de vous faire sentir, autant qu'on peut d'ailleurs, le coût de ce que ça pouvait être d'écrire quelque chose comme ça dans les années 50, et de par rapport à quoi c'était construit, et au fond, de quelle manière on peut prendre par rapport à cette histoire du traitement possible de la psychose, une sorte de distance un peu, je dirais pas critique, mais simplement de comprendre ce qu'il voulait faire quand il a fait ça. Et donc, un peu comme j'aime bien faire, d'essayer de vous faire sentir le coût de cette conception de la psychose, de la manière dont est élu ici le cas du président Schreber, en l'articulant, comme vous l'avez vu, ça c'est absolument décisif dans la démarche de Lacan, au phénomène qui est pris comme central, qui est celui de l'hallucination acoustico-verbale, des voix. Bon. Et justement, si j'avais traduit le livre de ça, c'est essayer de le faire dialoguer avec un certain nombre de gens ici, avec un succès mitigé, c'était essentiellement pour que la question de savoir si c'est ça qu'il faut voir ou qu'il faudrait lire dans le cas de Schreber, dans l'histoire de Schreber, si c'est si évident que ça. Et en particulier parce qu'il y a une autre conception de l'hallucination, une conception plus générale de l'hallucination, qui s'efforce justement de faire de l'hallucination acoustico-verbale certainement un cas particulier, mais un cas particulier du genre, de l'espèce plus générale de l'hallucination, et qui insiste beaucoup alors sur des hallucinations, notamment les hallucinations synesthésiques, les hallucinations visuelles, encore qu'elles soient souvent plus rares dans les psychoses, et en général avec le phénomène hallucinatoire comme on le connaît en neurologie. Bon. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de tout à fait particulier. C'est l'idée que pour entrer dans le domaine, dans le champ psychanalytique de la psychose, il faut à Lacan construire, découper à l'intérieur du champ de la problématique de l'hallucination dans l'école française en psychiatrie, un domaine particulier qui est celui de l'hallucination acoustico-verbale. Qui est évidemment une hallucination, mais en lui donnant un rôle, une caractérisation plus spécifique. Et alors, évidemment, il s'en prend à la manière dont on a très régulièrement, disons, jusque à la phénoménologie, jusque même, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, tenté de créer ce genre commun de l'hallucination, sous une définition que j'ai rappelée, hein, qui vient de Taine et qui avait été révisée par Henriet, qui est la fameuse définition de l'hallucination comme perception sans objet, auquel est, dans le traité des hallucinations, qui est un traité, je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert, on l'a mis des textes, on peut l'ouvrir en bibliothèque, hein, c'est pas un ouvrage, c'est un énorme ouvrage, hein, mais qui est assez fascinant. Henriet, lui, médecin, neuropsychiatre, non seulement parle de l'hallucination psychiatrique, mais aussi bien de l'hallucination neurologique, et il ajoute cette définition teintée de phénoménologie, c'est l'hallucination, c'est une perception sans objet à percevoir. Et je vous avais dit la dernière fois que ce n'était pas forcément un gain que d'ajouter ce « apercevoir ». Bon. C'était une tentative de parler de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il y aurait une visée et que la visée n'est pas remplie, en quelque sorte, parce que le fait est que dans l'hallucination, on perçoit bien quelque chose. Donc l'hallucination sans perceptum, ça fait un peu bizarre. Alors, le poids, tout le poids de l'argument de Lacan, et je sais bien qu'en vous disant ça, ça fait un peu bizarre, parce que de la manière dont on parle d'habitude de la conception lacanienne de la psycho, surtout dans nos associations, c'est plutôt, je dirais, de l'ordre de l'acquis, ou des bases, ou des fondements, que des choses qui deviennent des objets complètement problématiques et bizarres, hein. Mais bon, c'est quand même intéressant d'attirer l'attention sur ce fait, c'est de donner un accent absolument extraordinaire dans l'hallucination, la dimension de la signification. et en particulier de, alors je vous l'avais signalé, page 538, de partir de ce qui est certainement le plus énigmatique des phénomènes hallucinatoires de la taxinomie classique des hallucinations, c'est-à-dire les intuitions délirantes, dont Lacan dit une formule qui m'a beaucoup frappé. Remarquons d'autre part que nous nous trouvons ici en présence de ces phénomènes que l'on appelait à tort intuitifs, pour ce que l'effet de signification y anticipe sur le développement de celle-ci. Il s'agit en fait d'un effet du signifiant, etc. Et où en réalité, je crois que toute la conception, tout le virage que Lacan essaie d'imposer à la conception de l'hallucination est presque dans cette phrase-là. Pourquoi ? Parce que l'intuition, c'est la source, la racine du phénomène hallucinatoire dans l'école française. En particulier, alors c'est un article qu'on peut trouver et qu'on peut lire. Il y avait un article de Targovla et Dubino, un article des années 30 sur l'intuition, qui est un article qui rassemble un peu ce qu'on savait dans les années 30, ce qu'on avait fait un peu sur ces questions-là, et qui, dont je ne crois pas, enfin ceux d'entre vous qui voient régulièrement à l'hôpital et qui examinent des grands délirants ont pu le constater, c'est qu'il est au moins très osé de dire que l'intuition délirante, c'est un phénomène de signification. Parce que le destin des intuitions délirantes, c'est effectivement, dans une certaine branche de l'arbre, ça a toujours été repéré comme ça, par les Français comme par les Allemands, l'hallucination, le délire d'interprétation. Mais d'un autre côté, et ça c'est un phénomène qui est quand même extrêmement important, c'est le délire d'imagination. C'est-à-dire que ce ne sont pas des significations, c'est un imaginaire de plus en plus floride, sans ces mécanismes qu'on peut rattacher à la famille des phénomènes sémantiques du délire, comme l'interprétation, par exemple, mais ce sont des phénomènes imaginaires. Bon. Il faut avoir vu évoluer un délire à base d'intuition. Et ça prend pas longtemps, hein, c'est 6 mois, 1 an. Quand les premières intuitions apparaissent chez quelqu'un, en 6 mois, 1 an, et ça, je crois pas avoir vu que ça ait beaucoup changé depuis l'article de Targovla et Dublino, vous avez cette bifurcation. D'un côté, les gens vont devenir des interprétatifs, de l'autre, ils vont devenir des imaginatifs au sens de Dupré. Alors, un délire d'imagination, c'est quelque chose où la part du sémantisme est quand même pas si grande que ça. Hein. Je trouve pas que ce soit évident. Bon. Alors, en même temps, c'est extrêmement puissant, hein, puisque en récusant la notion d'intuition, il sort du vocabulaire de la perception. Il sort du vocabulaire d'une sorte d'adéquation du sentiment que, voilà, je pense quelque chose et du simple fait de le penser, c'est vrai. Et si je le pense, c'est parce que c'est vrai, et c'est vrai parce que je le pense. Qui est cette espèce de caractérisation générale de l'intuition qui devient délirante quand, effectivement, les gens ont des intuitions sur les identités, les choses, les événements qui sont évidemment complètement à côté de la plaque, mais qui, néanmoins, ont ce même caractère de l'intuition que nous avons en général. Et donc, cette idée de la signification qui anticipe sur son développement, elle est même développée de façon très, très jolie ici, hein. Il s'agit en fait d'un effet du signifiant, pour autant que son degré de certitude, degré deuxième, signification de signification, prend un poids proportionnel au vide énigmatique qui se présente d'abord à la place de la signification elle-même. Hein, alors c'est qu'effectivement, ce qu'il en extrait de cette notion, c'est une tentative de rattacher le phénomène de la signification personnelle, qui a été certainement un des phénomènes les plus remarqués, hein, par les cliniciens allemands du déclenchement de la paranoïa, hein, c'est que le fait que les choses soient ainsi, hein, sans qu'elles soient autrement qu'elles ne sont, signifie quelque chose pour moi. C'est-à-dire cette espèce de virage très particulier que Louis Sass décrit à sa manière dans Les paradoxes du délire, hein, travaillant sur la particularité muette, etc., c'est que le drôle d'air des choses ne peut être un drôle d'air que parce qu'il me concerne, parce qu'il m'interpelle, et que la façon dont la chose elle-même est prélevée dans son environnement, n'est-ce pas, cette, tout d'un coup la couleur de la montre, la position du livre, l'expression du visage de quelqu'un, l'orientation d'une mèche de cheveux, etc., tout en restant exactement ce qu'elle est, à cet air tout particulier que, comme vous le rappelez, Sass rattache à un usage intransitif des adverbes comme particulièrement, hein, dans lequel effectivement c'est particulier. Hein, y a quelque chose de particulier qui n'est pas la partie d'un tout, une particularisation, mais une forme d'isolation qui presque au contraire fait de l'objet dit particulier, en tant qu'il est qualifié de particulier, un tout autosuffisant. Bon. Et effectivement, là, c'est de façon très frappante, beaucoup de langues permettent cette utilisation comme ça de la particularité. Bon. Alors, pourquoi cette opération? Je l'avais dit la dernière fois, cette opération qui consiste à tout faire basculer du côté de ce qu'on va pouvoir traiter en termes linguistiques et en termes langagiers, c'est dans le but qui est explicitement proclamé de mettre en cause la théorie qui est sous-jacente à l'unification conceptuelle de l'hallucination sous la définition de la perception sans objet. Et cette théorie sous-jacente, c'est celle qu'il y a un sujet percevant, un percipiens, qui est quelque chose qui aurait une capacité unifiante par rapport à la perception, par rapport au perceptum. Les conséquences de cette théorie du délire comme perception sans objet, c'est que le sujet percevant, le percipiens, s'il hallucine quelque chose, c'est-à-dire si sa perception est sans objet, il ne peut, on ne peut l'expliquer que de deux manières. Soit c'est une carence, soit c'est un déficit qui est inhérent à sa constitution de moi percevant. Le processus psychique, hein, qui est justement dégradé, déformé ou morbide à l'intérieur de ce sujet percevant, eh bien la psychose, les symptômes de la psychose en seraient l'indice, hein, qu'on pourrait inférer à partir des faits de la psychose quelque chose de dysfonctionnel dans les processus psychiques du percipiens. Jaspers est considéré par de la façon dont Lacan le lit, Jaspers est considéré comme le représentant de ce genre de conception. Jaspers avait été traduit par Mandouze, Nizan, Sartre dans les années 30, hein, je crois que la première version c'était de 28, et effectivement, alors c'est un des problèmes pour les Français, c'est que la psychopathologie générale de Jaspers, la version développée, la pleine version, c'est qui, parce qu'elle a été reprise beaucoup, hein, je crois que la dernière édition doit dater de 49 même, elle n'existe au complet qu'en anglais, si vous ne lisez pas l'allemand, et elle est extrêmement différente dans son ton, dans sa caractérisation de ce qu'on trouve dans les textes. Alors, c'est parce que, effectivement, Jaspers est devenu de plus en plus phénoménologue et de plus en plus affranchi à l'égard des classifications des Allemands et du matériel qu'il rassemblait au fur et à mesure que le temps passait. Bon, en tout cas, c'est à Jaspers qu'est imputée cette vision. Notez que c'est ce qui fait que la phénoménologie, à cet égard, c'est totalement compatible avec le cognitivisme. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir une représentation d'un sujet déficient dans son rapport à la réalité que du cerveau qui est la substructure organique de la représentation subjective de la réalité. Toutes ces choses-là ne s'intersectent pas, elles sont relativement complémentaires. Alors, si on est dans la perspective de ce percipiens, etc., ce que dit Lacan, il en tire à mon avis très bien les conséquences aussi, c'est que du coup, oui, il va y avoir des phénomènes sémantiques bizarres dans la psychose. Et par exemple, le SAS, hein, qui se place dans cette perspective phénoménologique, l'admet entièrement, qu'il n'y a aucun problème pour lui que les significations sont altérées comme les perceptions visuelles ou comme les perceptions kinesthésiques, etc. Bon. Mais la pente va être de réduire ces anomalies liées à un déficit ou une anomalie de la constitution subjective du percipiens à des mirages, à des illusions, qui vont par exemple être des illusions du rapport non pas aux objets perçus mais aux significations. Et c'est comme ça qu'on va parler de l'hallucination psychique ou de l'hallucination des phénomènes de signification perturbés dans la psychose. Bon. Et ce à quoi Lacan répond quand même quelque chose qui est assez fort de café, il dit ça n'explique pas. C'est quelque chose qu'on disait, c'est la productivité délirante. Et en particulier quand cette productivité peut prendre le caractère très frappant de la création littéraire. Alors évidemment, Schreber, c'est bon, c'est évident, et mais ça ne l'est pas moins. Hein. Une fois de plus, on retourne à ce point tout à fait fondamental, c'est que la psychose ne peut pas être la perte de la réalité chez Freud, parce que ce qui importe, c'est pas la perte de la réalité, c'est ce qui vient la remplacer. C'est ce qui est produit dans le remplacement. C'est ça, c'est positif. C'est pas simplement qu'il y a un trou dans l'ordre du monde, c'est que le trou a une structure particulière telle que la manière dont l'ordre du monde est troué entraîne par la bande, n'est-ce pas, un certain nombre de choses et fait proliférer dans ce trou, d'une manière qu'on appelle un délire, un certain nombre de productions signifiantes. À nouveau, je crois que c'est à la fois très juste, hein, mais ça pose quand même un problème, c'est de savoir est-ce que la psychose qui est productive sur le plan du signifiant, d'abord, est-ce que l'œuvre d'art ou la création littéraire qui est un mystère en soi, peut être utilisée comme une explication de cette productivité signifiante elle-même, bon, d'une part, et d'autre part, est-ce que, si on peut l'utiliser dans certains cas, est-ce qu'il faut pour autant en faire quelque chose qui explique ce que c'est qu'un délire ? Ce sont des prises de position extrêmement fortes. Alors évidemment, comme il faut bien qu'on enseigne la psychiatrie ou même la psychanalyse, c'est toujours beaucoup plus parlant, c'est le cas de le dire, de prendre Schreber ou de prendre Rousseau que de prendre Monsieur Dupont dans le service qui est schizophrène depuis 20 ans et qui n'a strictement rien à voir avec un créateur littéraire et qui néanmoins est délirant, produit un certain nombre de choses, et de savoir si ça s'applique de la même manière. Donc là, il y a quand même aussi il y a des choix qui sont tout à fait problématiques. Et enfin, la troisième propriété essentielle de cette théorie du percipiens unifiant, n'est-ce pas, unitaire, sujet perturbé de la perception et qui est perturbé au sens où sa perception est sans objet, c'est que, alors c'est extrêmement sensible chez les Allemands, ça l'est moins en France, mais chez les Allemands c'est manifeste, ça permet de maintenir une continuité strictement naturaliste et médicale entre la symptomatologie psychiatrique et la symptomatologie neurologique. Le fait est que, comme maintenant la neurologie étant ce qu'elle est et un malade qui marche étant considéré comme un malade agité, qu'il faut donc hospitaliser en psychiatrie, n'est-ce pas ? C'est un malade qui parle, qui marche, parce que les neurologues, que vous avez remarqué, ils ne s'intéressent plus qu'aux vieilles complètement allongées, etc. Dès qu'il y en a un qui bouge, c'est la panique, donc ils l'envoient en psychiatrie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de ces gens-là. Donc ce qui fait qu'on voit quand même beaucoup dans les services de psychiatrie des gens dégradés neurologiquement, c'est ce qui permet d'ailleurs de montrer aux stagiaires à quoi ressemble une hallucination d'origine neurologique. On est quand même extrêmement frappé de voir que le type de certitude de quelqu'un qui pense que sa voiture est sur le parking là, du garage, et quand on lui montre et qu'il n'y a rien, il dit mais si, elle est là, elle est juste partie en mon copain l'a emmené, le type de certitude, le calme avec lequel les choses sont assénées donne beaucoup à réfléchir sur le fait qu'effectivement, c'est un vrai choix clinique de dire que c'est pas des phénomènes de la même texture. D'autre part, moi j'ai vu une fois, c'est pas des choses qu'on voit très souvent, ce qu'on appelle une leucodystrophie, c'est-à-dire c'était une affection de la substance blanche qui d'ailleurs est impliquée organiquement dans un certain nombre de pourcentages de cas de schizophrénie, hein, à l'imagerie. Une leucodystrophie au stade incipiens, c'est extrêmement trompeur. C'est que vraiment, les gens, ils ont un délire schizophrénique extrêmement. Alors évidemment, en évoluant, la leucodystrophie produit toutes sortes de phénomènes qu'on ne voit pas régulièrement dans la schizophrénie, mais il peut exister. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Et même, je l'ai vu faire, je me rappelle, par Marcel Schermack, qui était pourtant absolument pas du tout quelqu'un de naïf à cet égard, d'aller chez on avait envoyé un schizophrène dans le service, c'est Schermack qui l'a reconduit en neurologie en disant c'est pas une schizophrénie, c'est une leucodystrophie, c'est il y a quelque chose, parce que mais il a fallu des heures et des heures et des heures d'examen pour comprendre que les choses se passent pas de la même manière. Donc il faut surtout pas s'imaginer que on a comme ça, et c'était pas sur le contenu du délire, c'était sur des micro-phénomènes moteurs qu'il avait pu mettre en évidence, des phénomènes posturaux, des phénomènes sur le mouvement des yeux qu'il avait repéré. Donc il faut surtout pas, hein, comme ça, s'imaginer que le coup de force qui consiste à dire y a les trucs neurologiques, c'est clair, et puis il y a les trucs psychiatriques et ça n'a aucun rapport, ça vient comme ça. Et je crains fort qu'on assiste aujourd'hui à des phénomènes de ce genre, parce que comme à l'imagerie, au final, c'est toujours pour objectiver un truc bizarre, hein, si c'est un bien calibré instrument. Bon, hein, on peut trouver des choses bizarres, on se retrouve dans des situations de ce genre. Donc, voilà un peu le paysage, et voilà le coup de substituer à la théorie classique quelque chose qui consiste à substituer à la théorie classique de l'hallucination en général une hallucination particulière, l'hallucination acoustico-verbale, comme moyen, comme porte d'entrée dans une définition de la psychose, qui serait un certain rapport du sujet au signifiant, d'un défaut d'articulation du sujet au signifiant, qui n'est pas dans le sujet, comme si le sujet c'était le machin que vous avez dans la tête. Hein. Le sujet c'est pas un machin qu'on a dans la tête, hein. c'est pas une sorte de formation émergente du cerveau, même si certainement il faut avoir un cortex dans un certain état pour faire une psychose. C'est quelque chose qui implique une perturbation de la relation du sujet au signifiant. Et cette perturbation se trouve appelée par Lacan, dans Du traitement possible, une forclusion. Eh bien, le coup de la chose, eh bien, je vais le faire apparaître aujourd'hui en lisant le texte qui est certainement le plus clairement, je dirais pas le texte de l'ennemi, mais en tout cas celui qui vous dit, qui vous montre à quel point c'était pas du tout évident. Et pour quelqu'un comme ça, par exemple, qui a totalement ignoré Lacan, hein, qui l'a pas lu, qui l'a pas expliqué pourquoi, hein, pourquoi finalement une position comme celle de Merleau-Ponty peut servir tout à fait de point de départ aujourd'hui encore à analyser ce que c'est que le problème de la schizophrénie. Et au fond, ce que fait Sas, si ça n'est que une amplification qui ajoute une très grande richesse d'analyse logico-grammaticale à certains postulats tout à fait fondamentaux qui émergent déjà dans la phénoménologie de la perception, et en particulier dans le texte que je vous avais indiqué, la fin de la troisième partie, hein, la fin de la chose et le monde naturel, dans lequel Merleau-Ponty discute de la théorie de l'hallucination en 1945. Bon. Il a été professeur au Collège de France en 1951. C'était tout à fait quelqu'un qui est dans le paysage intellectuelle de Lacan, comme de tout le monde, parce que la question est de savoir si la psychanalyse doit être à la remorque de la phénoménologie, ou bien si elle construit quelque chose, comme le marxisme d'ailleurs, hein, c'est aussi une des grandes questions de l'époque, ou bien si elle est radicalement orthogonale à l'esprit même, l'attitude même de la phénoménologie très sophistiquée de Merleau-Ponty. Alors, je vais revenir encore sur ce que j'ai dit la dernière fois de tout le scepticisme qu'on peut avoir devant l'explication que Lacan donne du mot « truie », de l'hallucination de truie, qui était à nouveau un des points. Alors, je vous rappelle le passage, c'est page 535, le passage dans lequel il explique ce que c'est que l'hallucination truie, les problèmes que ça pose, et dont j'avais expliqué que, franchement, on ne voit pas du tout, en dehors de l'affirmation qu'il en est ainsi, pourquoi Lacan pose le problème d'une manière aussi complexe et aussi douteuse. Alors, vous rappelez, donc, c'est dans un délire à deux. C'est très important, je dirais tout à l'heure pourquoi que ce soit dans un délire à deux. Parce que je ne suis pas sûr qu'une explication comme celle qu'il donne puisse être donnée dans un autre cadre que celle d'un délire à deux. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc vous savez, elle croise un bonhomme comme ça, et le bonhomme, n'est-ce pas, elle entend, elle a une hallucination, une hallucination auditive, et le terme malsonnant de truie vient résonner. Alors, il écarte, comme vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'explication toute simple, c'est que ce n'est pas le retour projectif de cochon adressé à cet homme qui l'a reluque. Ce que fait Lacan, c'est qu'il interroge la patiente sur ce qui étaient ses pensées un petit peu avant que l'hallucination se déclenche. Et là, on apprend que dans ce délire à deux, cette jeune femme venait de fuir sa famille et de se réfugier chez sa mère parce qu'elle était mariée, et le mariage était réprouvé par sa mère avec des gens qui vivaient à la campagne, et qu'un des éléments fondamentaux du délire, c'est que les gens, la famille, sa belle famille, n'avait pas d'autre but que de la dépecer congrûment, comme dit Lacan, hein. Faut-il comprendre, n'est-ce pas, comme une pièce de charcuterie qu'on va mettre au saloir. Bon. Et là, à nouveau, Lacan écarte l'idée qu'il y aurait je ne sais quelle à l'intérieur du psychisme, une sorte de fantasme du corps morcelé qui serait vrai, pour essayer de comprendre comment se produit le phénomène de l'hallucination acoustico-verbale. À notre fin présente, je vous relis ce passage assez incroyable, il suffit que la malade ait avoué que la phrase était allusive, hein, la phrase qu'elle avait à l'esprit, c'était « je viens de chez les charcutiers », juste avant que ça lui retourne l'hallucination truie. Sans qu'elle puisse pour autant montrer rien que perplexité quant à saisir sur qui des coprésents ou de l'absente portait l'allusion. Car il apparaît ainsi que le « je », comme sujet de la phrase en style direct, laissait en suspens, conformément à sa fonction dite de « shifter » en linguistique, la désignation du sujet parlant. C'est-à-dire que, je vous l'explique un tout petit peu, quand elle dit « je viens de chez le charcutier », le « je » en question, il n'est pas évident que c'est, quand elle parle, elle a une phrase, hein, comme ça, qui lui passe, qui n'est pas, elle n'est pas en train de dire à cet homme « moi, je te dis que je viens de chez le charcutier », c'est quelque chose de plus flottant qu'elle attrape comme ça, sous la forme du « je viens de chez le charcutier ». Un petit peu, si vous voulez, comme quand vous dites à quelqu'un, alors, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un autre usage du jeu. Je prends deux pommes, je les mets avec deux poires, ça fait quatre fruits. Ça veut pas dire... Quand vous utilisez le jeu sur ce mode-là, cet usage complètement exténué du jeu ne signifie pas dire que vous, en tant que personne, vous prenez les choses. Vous indiquez juste qu'il y a quelqu'un et vous prenez « je ». Mais sans dire que vous prenez effectivement des pommes. Vous prenez ce « je » en un sens complètement impersonnel, ce « je » pourrait être n'importe qui. Et ce jeu en particulier pour être aussi bien vous à qui je parle, c'est pas hein, quand vous expliquez à quelqu'un qui comprend pas, par exemple, vous dites je pour qu'il puisse dire je et occuper cette place de je. Donc il faut bien faire attention qu'il y a même des usages du pronom personnel je qui peuvent être suffisamment déracinés de des fonctions habituelles du shifter qui se sert habituellement de je pour indiquer le sujet de la parole. Mais c'est pas parce que vous avez je que vous savez qui parle. Hein, c'est pas du tout. Il faut des opérations supplémentaires pour ancrer cet usage de je dans le fait que c'est la personne qui, de la bouche duquel sort ses paroles, qui parle d'elle-même quand elle dit les choses. Bon. Comme dit Wittgenstein, n'est-ce pas, la seule manière de savoir ce que veut dire « j'ai mal », c'est de regarder la bouche d'où sort hein, le « j'ai mal ». Et ce « j'ai mal » n'est une expression de la douleur que lorsqu'effectivement le « j'ai mal » tient plus du cri, n'est-ce pas, il se rapproche plus du « aïe » que du jugement, puisqu'on peut toujours détacher le « je hein, » de sa fonction de shifter, hein, c'est-à-dire de la tâche qu'il a au fait que c'est celui qui parle, qui prend en charge, qui assume la portée de l'énoncé. Et donc énormément de choses où nous avons du jeu sont nécessairement nouées, hein, comme dit Wittgenstein, à l'expressivité, au fait que c'est le pour savoir si quelqu'un a mal, n'est-ce pas, il faut regarder la bouche d'où ça sort, faut écouter le ton, c'est pas un jugement, faut que ce soit de l'ordre du cri, quelque chose de cet ordre. Bon. Excusez-moi. Alors, le point qui me paraît important ici, c'est que le jeu de ce « je viens de chez le charcutier », c'est une pensée comme ça qui flotte, et donc qui fait que une place, une sorte d'oscillation, hein, si je veux absolument défendre l'argument de Lacan, je dirais ça, c'est une pensée qui la traverse et où le « je » pourrait être occupé aussi bien par la personne qu'elle rencontre que par elle. Aussi longtemps que l'allusion, dans son intention conjuratoire sans doute, restait elle-même oscillante. C'est-à-dire que le charcutier, c'est ok, je sais bien ce que vous me voulez, je sais bien qu'il y a qu'on veut me couper en morceaux, je sais bien de quoi on parle quand on parle de charcutier. C'est la pensée qu'elle a. Ce qui veut dire, notez ça dans un coin, que cette explication-là de l'hallucination présuppose l'existence du délire. Pour que le mécanisme qui va maintenant décrire marche, il faut que le sujet soit déjà délirant, c'est-à-dire qu'il soit déjà pris dans l'idée que charcutier est chargé, qu'il y a quelque chose, etc. Bon. Tandis qu'on pourrait avoir une explication, et c'est bien souvent celle qui est préférée en psychiatrie, hein, qui dirait que le délire, c'est une tentative de rationalisation qui suit le phénomène hallucinatoire. Tandis que là, l'hallucination, elle émerge à l'intérieur d'un horizon déjà flottant et décroché, qui est celui du délire. Bon. Ce qui fait que là, on a un problème d'œuf et de poule. Cette incertitude prit fin, passé la pause, après, avec l'apposition du mot « truie ». Lui-même trop lourd d'invectives pour suivre isochroniquement l'oscillation. C'est ainsi que le discours vint à réaliser son intention de rejet dans l'hallucination. C'est-à-dire, je ne suis pas, vous ne me découperez pas en morceaux, hein, je ne suis pas l'objet de vos menées épouvantables et monstrueuses, n'est-ce pas ? Je vois bien où vous voulez en venir. Sauf que le jeu se met à se permuter et qu'elle se retrouve dans la position de l'objet implicitement désigné par les autres, sa belle famille, dans ce vaste dire, comme la victime qu'on va égorger, porter, couper en morceaux, voire mettre au saloir, je suppose, dans cette espèce de truc un peu comme un conte d'enfant, en quelque sorte. Au lieu, alors c'est là où les choses deviennent C'est ainsi que le discours vint à réaliser son intention de rejet dans l'hallucination. C'est pas un mécanisme qu'on nous explique. C'est qu'on essaie de mettre en forme les choses. C'est que c'est dans ce contexte-là, le ainsi n'est pas à entendre, je crois, comme une conclusion causale, un effet causal. C'est dans cet espace-là que tout d'un coup Truby émerge. C'est ainsi que le discours vint à réaliser son intention de rejet dans l'hallucination, au lieu où l'objet indicible est rejeté dans le réel, c'est-à-dire dans le contexte, n'est-ce pas, l'objet sacrificiel qu'elle est dans les menées diaboliques de sa belle famille, un mot se fait entendre. Pour ce que, venant à la place de ce qui n'a pas de nom, il n'a pu suivre l'intention du sujet sans se détacher d'elle par le tiret de la réplique. On voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Truby émerge au moment où l'objet, etc., ça arrive à la surface, mais comme il arrive à la surface, il ne peut être manifesté que, au lieu de prolonger je sais bien que vous me prenez pour une truie, au lieu de prolonger un discours comme ça, il en est coupé, détaché, et il vient de l'autre, il est détaché, et il revient de l'autre, détaché par le tiret de la réplique. On voit bien ce que ça décrit. Mais c'est une manière de mettre en forme l'expérience beaucoup plus que d'expliquer comment ça se produit. Il n'a pu suivre l'intention du sujet sans se détacher d'elle par le tiret de la réplique. Et alors là, vous avez ce passage un peu mystifiant, opposant son antistrophe de décrit au maugrément de la strophe. Le maugrément, c'est je viens de la charcuterie de chez le charcutier, c'est la strophe. Donc l'antistrophe, la réponse du cœur de l'autre, c'est le décrit restitué dès lors avec la patiente, avec l'index du je. On se demande bien pourquoi, mais enfin, on se trouve que c'est comme ça. Et rejoignant dans son opacité l'éjaculation de l'amour. Et alors là, l'exemple que donne Lacan me laisse complètement pantois. Quant à court de signifiant pour appeler l'objet de son épithalame, un épithalame, c'est un poème de mariage, c'est un poème d'amour, il y emploie le truchement de l'imaginaire le plus cru. Et donc, la séquence « Je viens de chez le charcutier, truie » est comparée à « Je te mange chou, tu te pâmes rat ». Effectivement, on imagine bien que dans certaines éjaculations amoureuses, la parole vienne essayer d'attraper la personne à qui on parle, qui est visée absolument dans l'extase au-delà du disciple, l'appelant par des noms qui sont comme chou, n'est-ce pas, mon chou, je sais pas, une espèce de désignation où, au fond, qu'est-ce qui revient? C'est l'imaginaire le plus cru. Sauf que là, dans l'éjaculation amoureuse, en général, chou n'est pas une hallucination acoustique, n'est-ce pas? Quand vous dites « je t'aime, mon chou », n'est-ce pas? Le « mon chou » ne revient pas de l'autre. Voyez ce qui « et tu te pâmeras », c'est encore plus étrange. Je pense que c'est le futur, n'est-ce pas? La promesse qui indique ici le rat. On voit bien comment l'objet imaginaire arrive, mais il y a deux choses qui manquent et qui sont celles qu'il faudrait expliquer. C'est pourquoi c'est voisé et que ça vient de l'autre. Pourquoi c'est voisé et pourquoi ça revient, pourquoi c'est séparé par ce trait de la réplique. Pourquoi quand vous dites, n'est-ce pas, je t'aime, n'est-ce pas, vous n'entendez pas mon chou. Comme une hallucination acoustique, n'est-ce pas. Il y a effectivement un temps de suspens où la désignation de l'objet ineffable, indicible du désir provoque une pause. Mais cette pause ne se marque pas avec une césure telle que dans le flux de la parole intérieure, il y a cette cassure et une hallucination de retour. Alors, pourquoi ça revient? Alors là, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce serait par symétrie inverse avec l'amour, c'est que là, ce serait la haine, ce serait quelque chose, ce serait l'objet en question serait un objet d'abjection, et tout d'un coup on entend truie, n'est-ce pas, là où on aurait voulu entendre chou. quelque chose de ce genre-là. Pourquoi ça pose problème ? Ça pose problème parce que pourquoi il y a une voix, déjà ? Pourquoi il y a une signification ? Pourquoi il y a quelque chose ? Pourquoi ça se voise ? Si ça se voise, et Lacan le reconnaît après, il faut bien qu'il y ait quand même un sujet de la perception. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour entendre. Bon. Il n'est pas aboli. Il est juste déplacé, stratifié, décomposé dans l'argument de Lacan, mais il n'est pas aboli. À un moment, on va en avoir quand même besoin du percipiens. Puis la deuxième chose, c'est qu'il est très peu vraisemblable cliniquement que vous ayez d'entrée de jeu, ça se discute hein, ce que je dis, hein, c'est pas, il y a des cas où c'est pas comme ça, mais c'est très rare que vous ayez un accès direct à une invective en deuxième personne. Le schéma ordinaire des phénomènes hallucinatoires, hein, c'est comme vous savez dans l'automatisme mental, quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du dédoublement, hein, du, par exemple du commentaire des actes. Hein. Tiens, il est en train de jouer avec sa clé. Tiens, il a lancé sa clé sur le cahier. Hein, c'est ça, il. Hein. Quelque chose en troisième personne. Et c'est au bout d'un certain temps que ces phénomènes en troisième personne, ces commentaires des actes, et Clérambault le dit chez une certaine catégorie de gens seulement, s'inverse et tout d'un coup c'est un « tu fais ceci, tu fais cela » et prennent cette qualité xénopathique, persécutive de l'insulte. Mais les premiers phénomènes, dans un très grand nombre de cas, les premiers phénomènes de l'hallucination acoustique sont enracinés dans des phénomènes d'automatisme mental-moteur, où on a plutôt affaire à un sentiment de dédoublement, d'écho de la pensée, de commentaires des actes, nous sommes ça. Et c'est très progressivement, et on a presque l'impression par une sorte d'interprétation active, et j'oserais même presque dire de rationalisation, que ce dédoublement donne lieu à l'idée qu'il y a un autre qui me vise, qui me parle et qui me désigne. Et ça, c'est quand même beaucoup plus une expérience très commune dans la clinique de ces états psychotiques. Là, de la façon dont est construit le raisonnement de Lacan, on a l'impression qu'il pourrait y avoir, ou même que ce serait la norme, qu'il pourrait y avoir comme ça des paroles adressées qui viennent de l'autre et qui sont qui est un « tu » qui tue, hein, qui se retourne sur le sujet. En tout cas, pourquoi je reviens là-dessus, c'est parce que c'est un moyen d'attirer votre attention sur une difficulté qu'on a toujours quand on discute de ces questions de psychose avec les collègues, hein. Que le problème des théories que je connais ou qu'on voit comme ça diffusées dans les associations par les gens éminents hein, d'ailleurs hein, de la psychose, c'est qu'elles prennent des passages de ce genre, des raisonnements de ce type, non pas comme des manières de problématiser le phénomène, mais comme des véritables mécanismes, comme de véritables mécanismes où quelqu'un va vous dire voilà. C'est la forclusion du nom du père, et voilà pourquoi votre fille est mue et délirante. Hein, on devrait dire, et si elle est délirante, parce que c'est affreux, mais il y a un mécanisme atroce qui s'exerce sur elle, c'est la forclusion du nom du père. Voilà, alors là, il y a un mécanisme de forclusion, elle a dans le baba, quoi, elle délire. Bon. Mais pour que, quand vous regardez un texte de ce genre, je pense que l'enflure du passage sur la strophe et l'antistrophe. Désigne quand même quelque chose, c'est quand même hyper hypothétique, hein, c'est des manières de présenter. Est-ce que c'est valable pour tous les cas de psychose ? Lacan savait très bien que non. Hein, c'est pas vrai qu'on passe tout de suite au tu. Hein, la vaste majorité des hallucinations acoustico-verbales, c'est un processus terminal, le passage au tu. C'est d'abord le commentaire des actes, le « on », l'écho de la pensée, des choses de ce genre, hein, quand on interroge les gens soigneusement. Bon. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est pas la mise en évidence d'un mécanisme, c'est une certaine articulation logique qui est proposée de la chose expliquée, de l'explanandum. Quand on voit les débats contemporains là-dessus, c'est qu'on a vraiment l'impression que dès que... Moi, je l'ai vu pour un certain nombre de présentations de malades qu'on m'a racontées, hein, et certaines auxquelles j'ai assisté aussi, malheureusement, hein, on a quand même vraiment l'impression que les malades sont là pour exemplifier la réalisation de ce mécanisme mystique qui serait la forclusion du nom du Père. Bon. Quelle que soit la psychose, ils ont une forclusion. C'est bien malheureux. C'est-à-dire qu'il y a ce trouble de l'articulation du sujet au signifiant. Ce qui serait quand même intéressant, c'est de s'apercevoir qu'ici, vous n'avez pas de mécanisme. Vous avez une certaine mise en forme de la chose à expliquer. Mise en forme qui est assez audacieuse, hein, de penser ça comme une coupure, une modalité descriptive de la situation, mais dans laquelle... Franchement, aller voir là-dedans un mécanisme, c'est une régression à un scientisme qui est presque pré-freudien à cet égard. Et si je souligne ce point, c'est un peu puisque là, comme ça, vous écoutez ce que je vous raconte sur les psychoses et que c'est le but n'est pas du tout que je vous fasse une théorie des psychoses, mais juste qu'on puisse essayer de s'orienter là-dedans, c'est que vous savez très bien l'effet dommageable sur les têtes faibles de cette représentation de ce que c'est que l'articulation logique que Lacan est en train de faire, hein, qu'on peut discuter, transformer en un mécanisme qu'il faudrait enseigner aux pauvres gens, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent pourquoi les gens deviennent psychotiques. C'est que ça aboutit à un essentialisme radical de la psychose. C'est un essentialisme pur et simple, ce que vous avez là. Devant lequel, ça commande des attitudes pratiques, puisque du coup, évidemment, comme ça devient un fait de structure, non pas un fait de structure parce que c'est comme ça qu'on met en ordre la description, mais parce que la structure, c'est comme des sortes d'engrenages que les gens auraient quelque part dans la tête, ça aboutit à l'idée d'une impuissance absolue, hein, une sorte de avec des recommandations, soit de reconduire les comportements habituels de l'aliénisme, hein, c'est-à-dire vous laissez les gens délirer dans leur coin parce qu'on ne peut rien pour eux psychanalytiquement, par exemple. Hein. Soit du relativisme branché consiste à dire ah oui, non, mais c'est des modes de vie alternatifs, c'est voilà, hein, c'est psychotique, c'est pas plus grave que névrosé, c'est juste autre chose. Hein. Bon, bien sûr, hein, surtout quand on est névrosé, c'est très pratique. Ça aboutit aussi à une forme de vérificationnisme clinique dont on voit le ravage, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il y a un délirant qui ouvre le bec, immédiatement, puisqu'il est délirant et halluciné, n'est-ce pas, on ne peut repérer là-dedans que les opérations mêmes de la forclusion du nom du Père. Bon. D'où l'importance, vous voyez, même avant de rentrer dans tout ce qui est si joliment expliqué, les schémas topologiques qui fascinent tout le monde, d'aller au point où cette mise en forme du problème, par Lacan, cette mise en forme de l'explanandum, n'était pas encore la solution, n'était pas encore l'explanance, c'était pas encore la chose qui explique le phénomène. C'est juste la description, la mise en ordre du phénomène hallucinatoire, les choix sont mis sur la table. Et pour les gens qui écoutent, qui ont lu Merleau-Ponty, qui connaissent Minkowski, qui ont lu Henriet, hein, bien évidemment, ces choses-là sont totalement sensibles, que ce sont des choix qui sont opérés. Il n'y a que parce que plus personne ne s'intéresse à ces questions-là et que la question de l'hallucination chez les neurologues est passée dans les sciences cognitives, d'où il est facile de la diaboliser aujourd'hui, par exemple, qu'on ne voit plus du tout le rapport. Alors, j'en profite pour faire, avant de passer à Merleau-Ponty et de commenter quelques passages de Merleau-Ponty, je veux marquer un petit peu là le pourquoi je fais ça. C'est parce qu'en fin de compte, ce qui est important dans ce que je vous raconte, et à mon avis ce qui était intéressant dans ce que faisait Lacan à l'époque, c'est que ce n'est pas du tout une théorie de la psychose. Quand il dit que c'est des questions préliminaires, on devrait franchement entendre ces questions au sens de l'ironie. C'est-à-dire, il y a effectivement quelque chose que les théoriciens de l'hallucination, en général, n'arrivent pas à vraiment expliquer, c'est la spécificité de l'hallucination acoustico-verbale. C'est complètement manifeste, vous ouvrez le livre d'Henriet, la théorie de la perception sans objet, ça marche assez bien pour toutes sortes d'hallucinations, certaines sont extrêmement spectaculaires. Si vous ne saviez pas qu'il y avait un cerveau lésé, vous vous demanderiez si ce ne sont pas des hallucinations psychotiques. en certaines d'entre elles, les hallucinations extra-campines en particulier, dont parle Maurice Merleau-Ponty, sont des hallucinations. Certaines hallucinations qu'on voit dans les lésions de T3, les lésions temporales dans l'épilepsie, c'est des hallucinations. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir des phénomènes de sosie, des phénomènes de dédoublement. On a l'impression que c'est l'homme au sable, c'est des choses étranges. C'est des lésions dans T3, et on sait très bien que quand les gens sont comme ça, c'est une urgence neurologique, hein, et que ça s'arrête quand on traite neurologiquement les choses. Donc, il faut bien garder cette idée-là, sauf que malheureusement, plein de traits de l'hallucination acoustique ou verbale ne rentrent pas. Ne s'amusent pas là-dedans. Et donc, c'est pas une théorie objective de ce que c'est que la psychose. C'est un art d'objecter. C'est un art d'objecter aux théories régnantes de la psychose. Et cet art d'objecter, cette ironie, je crois qu'il faut la conserver. Vous savez quel dégoût j'essaie de vous inspirer pour la théorie en psychanalyse, ça repose là-dessus. Le but, c'est précisément qu'il n'y en ait pas. Parce que ce qui compte là-dedans, ce n'est pas la présentation, je dirais, métaphysique ou philosophique du travail. C'est de dire que vous pouvez dire au neurologue « et ça hein, ». Et ça, tu l'as dans le baba, hein, ça, c'est une objection. J'ai beaucoup de baba ce soir. Ça ne rentre pas. Et c'est par là même qu'est testée la qualité clinique de l'examen. Hein, c'est-à-dire dans la possibilité de que quelque chose objecte. Pas quelque chose qui est objectif dans le cadre d'une objectivité, c'est quelque chose qui objecte à la généralisation de la théorie du percipiens. Et c'est en sens-là qu'on peut comprendre ce que dit Lacan. Est-ce qu'il nous donne le délirant à création littéraire comme modèle ou comme paradigme? Je sais pas. Je crois, peut-être oui, certainement, il doit avoir une idée comme ça. Mais ce qui est certainement incontestable, c'est qu'aucune théorie de la psychose comme perte de la réalité n'est capable d'expliquer pourquoi ce trou-là est rempli par une œuvre d'art. Aucune. La productivité signifiante, en tant que telle, ce qui vient remplacer la perte de la réalité, ça, absolument personne ne peut l'expliquer. Ça ne veut pas dire pour autant que la productivité paranoïaque doit être pensée en général sur le mode de la création littéraire, et que la création littéraire, que l'avertissement de Freud ne vaudrait pas, selon lequel la création littéraire, c'est hors de portée, justement, hein, de l'analyse freudienne. De la même manière, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que lorsque Sass, en particulier pour ceux qui y ont assisté, lorsque Sass présente Schreber comme un schizophrène, ils disent pas du tout impressionnés par l'énorme édifice que nous avons construit de ce côté de l'Atlantique sur Schreber paranoïaque, n'est-ce pas, dans la filiation de Freud et de Lacan. Et effectivement, moi ce que je trouvais très remarquable, c'est la qualité d'objection à la paranoïa. C'est que ce qui est fascinant dans la lecture que ça se fait du cas Schreber, c'est tout ce qu'on peut déduire de ce qui fait des hallucinations visuelles, des hallucinations synesthésiques, des problèmes de corps, de ce que c'est que voir comme, hein, de ce que c'est que le solipsisme. Et même, c'est malheureusement un truc que vous n'avez pas vu, mais quand on a beaucoup parlé à Nanterre de son livre et qu'on lui a mis la théorie lacanienne des hallucinations auditives, de la Grundsprache, etc., il s'est livré à un numéro d'équilibriste extraordinaire dans lequel même ce qui est la langue fondamentale, etc., peut parfaitement être interprété de son point de vue solipsiste. Et l'argument qu'il avait employé en particulier, c'est que ce n'était pas du tout étonnant qu'on ait des phénomènes de ce genre, puisque les mots eux-mêmes peuvent être vus comme des choses passant à distance, peuvent être, et il avait employé l'image extrêmement remarquable qui était celle du panoptique de Foucault, disant justement, voilà, l'esprit schizophrénique, c'est quelqu'un qui justement voit sa propre pensée chosifiée passer à distance. Et cela même, on pourrait trouver dans Clérambault, hein, quand Clérambault décrit des phénomènes très fins de l'automatisme mental, ou le passage d'une pensée silencieuse à distance, n'est-ce pas ? Le malade qui décrit ce qui se passe dans sa tête, c'est le passage d'une pensée silencieuse à distance. On pourrait armer cliniquement cette description. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que dans la réaction assez spectaculaire en un sens de gens à ce que disait Louis, c'est que le passage, c'était de lui dire, c'est impossible de parler avec vous parce que vous ne faites pas la différence entre schizophrénie et paranoïa. C'était extrêmement impressionnant dans l'échange parce que vraiment, l'objection à la théorie classique de la paranoïa ne pouvait pas être entendue. Elle ne pouvait pas être entendue, on était là dans des positions. Je trouvais que c'était même assez dramatique d'une certaine façon, hein, cette espèce d'incapacité à tenir compte de l'objection que faisait Sarras. Bien. Donc je laisse ce point en suspens, mais évidemment, dans mon propos, c'est plus de vous rappeler qu'il y a sur les conceptions possibles de la psychose, etc., énormément encore à penser. Je veux dire, c'est complètement ouvert. Et que ça nous est plus accès. L'intérêt de faire une approche un peu épistémologique, contextuelle, etc., c'est de dire qu'après tout, est-ce qu'on est obligé d'être dans cette espèce de culte de la transmission des conceptions lacaniennes de la psychose, ou est-ce qu'on peut entrer dans les processus de transformation, et non pas de transmission, mais de transformation, à l'intérieur duquel ces conceptions-là étaient tout à fait ouvertes. Bon. Et je crois que ça pourrait effectivement amener à autre chose que ce dans quoi, en tout cas, moi j'ai été élevé quand j'ai appris tous ces trucs-là, hein, de Lacan et de la psychose, c'est-à-dire à des positions finalement extrêmement pessimistes, et en particulier extrêmement pessimistes quand il s'agit de paranoïa. Je veux bien qu'on en tire des recommandations de prudence à l'usage des analystes peu expérimentés, qui sont toujours les autres analystes, comme vous avez remarqué, mais qu'il ne faut pas, évidemment, faire n'importe quoi avec les paranoïaques, mais le postulat de l'inanalysabilité de la paranoïa c'est pas une vérité intrinsèque de la paranoïa, c'est aussi la manière dont est construite cette inanalysabilité et la manière dont on peut essayer de comprendre l'histoire, les enjeux de la construction, l'inanalysabilité de la paranoïa. Mais qui dit que c'est inanalysable ? C'est une position qui est quand même... qu'on peut pas la... On peut, ça ne se guérit pas comme une névrose, en tout cas. Hein, voilà. Et même, je dirais, c'est quand même, l'opinion très largement dominante que la paranoïa ne s'analyse pas. Alors que la schizophrénie... Il y a plein de gens qui pensent que la schizophrénie s'améliore avec la... Et je pense qu'ils ont raison. Mais la paranoïa, il y a cette inquiétude, hein, qui est de devenir le persécuteur ou l'objet érotomaniaque, et qu'en fait, ça met l'analyse en drapeau, quoi. Hein, ça met toute tentative d'analyse en drapeau, à cet égard. Bon. J'en viens à Merleau-Ponty. Je regarde ce que j'ai. C'était le morceau de résistance, mais voilà, d'accord. Alors, pourquoi je vous signale donc la fin de la troisième partie de la phénoménologie de la perception ? C'est parce que c'était le truc auquel on ne pouvait pas ne pas penser à l'époque en lisant ça. Et quand vous l'ouvrez, vous apercevez que dans la phénoménologie de la perception, le percipiens, il est beaucoup moins con que Lacan le raconte. Ce qu'on appelle le sujet percevant dans ces conceptions de Merleau-Ponty, non seulement c'est déjà un sujet qui a fait sur lui-même un énorme travail, enfin le concept a été l'objet d'un retravail absolument considérable, mais en plus de ça, il offre une vision alternative de ce que c'est que l'hallucination, qui est une vision qui est à la fois congruente, pour part sur certains points très importants avec celle que Lacan propose, et en même temps, elle reste une vision alternative. Et elle ouvre à d'autres possibilités de compréhension de ce que c'est que que l'hallucination, et notamment l'hallucination dans la schizophrénie. Alors, le point de départ de Merleau-Ponty est le même d'ailleurs que celui de Sas. C'est que dans l'approche phénoménologique de l'hallucination, le point de départ, ce à quoi il faut se rendre au premier abord, c'est que les hallucinés font parfaitement la différence entre leurs hallucinations et leurs perceptions ordinaires. C'est ça le problème. C'est comment ? C'est pas du tout qu'ils sont pris dans un monde hallucinatoire, comme par exemple on peut avoir certains phénomènes toxiques, neurologiques, comme dans l'hallucinose de Meinert, dont parle Freud, hein, où effectivement une sorte de monde onirhoïde un peu particulier, certains délires alcooliques aussi, comme ça, ont une texture onirique extrêmement puissante. C'est tout à fait rare. En général, les gens savent très bien que quand ils entendent une voix, c'est eux qui les entendent et pas vous. Que quand ils ont une hallucination synesthésique, quand ils sentent quelque chose en eux, ils ont parfaitement repéré que c'est pas avoir la main qui est bougée par une force maléfique, c'est pas du tout la même chose qu'avoir la main qui est bougée parce que quelqu'un dans le métro vous a bousculé. Ils savent extrêmement bien faire la différence. Et que le point de départ de la réflexion phénoménologique, c'est que cette distinction-là, elle est très claire. Comment la caractérise d'ailleurs Sass de façon un tout petit peu plus américaine ou pragmatiste, c'est de dire que justement les gens ne tirent pas des conséquences de ce qu'ils font. Sauf, disait Sass, dans la paranoïa. Et ça même, ça, c'est un peu délicat. Dans la paranoïa, dit Sass, ce qui caractérise à ses yeux la paranoïa, c'est que les gens tirent des conséquences, croient au sens de tirer des conséquences de leurs idées au contenu de leur délire. C'est-à-dire que s'ils pensent qu'un tel leur veut du mal, ils vont prendre un fusil et ils vont désinguer un tel, et que ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une réalisation. Bon. C'est contestable, mais c'est en tout cas une en première approximation la chose. Et donc, le percipiens, le problème du percipiens, c'est pas en 45 qu'il a des perceptions sans objet, c'est qu'il est capable de distinguer entre ses perceptions et des perceptions qui sont sans objet. C'est beaucoup plus subtil que le bon gros halluciné à la tête, n'est-ce pas, qui dans de l'intelligence, qui prend pas qui a des perceptions sans objet. C'est quelqu'un qui est entré dans cette dimension réflexive déjà. Et c'est ça qui l'intéresse fondamentalement, qui va développer très très loin. Et ce que dit Merleau-Ponty, c'est qu'une vraie analyse du percipiens nous oblige à nous détacher de deux impasses. Il y a la première impasse qu'il appelle celle de l'empirisme, consiste à expliquer l'hallucination par une simple hérétisme, une excitation des organes des sens qui viendrait purement de l'intérieur, comme ça, et qui ferait qu'on aurait l'impression de voir, ou on aurait l'impression d'entendre, hein, ce serait une stimulation des organes sensoriels de ce genre, ce qu'il appelle l'empirisme. Et puis, l'intellectualisme étant la position symétrique et inverse, qui consiste à dire, ce serait, non, ils ne sentent rien, mais ils croient qu'ils sentent. Et ils sont certains qu'ils sentent, mais au sens où c'est un jugement qu'ils portent sur leurs sensations. Et c'est ce jugement qui est faux, c'est pas la sensation. C'est ça la position intellectualiste. Alors, ce que dit très bien Merleau-Ponty, c'est que la conception du percipiens ne peut être ni empiriste ni intellectualiste. D'abord parce que si c'était une conception empiriste, alors les gens devraient vraiment croire, si leurs organes des sens sont stimulés, ils devraient vraiment croire que la voix qu'ils entendent, ou que le corps qu'ils voient, ou la lumière qu'ils voient passer, est là. Et étant là, ils devraient en parler comme si c'était une sensation comme les autres. Or, justement, le point de départ, c'est que les gens font la différence entre leurs hallucinations et leurs perceptions normales. De la même manière, la position intellectualiste qui porte sur un jugement ou une interprétation, qui dirait que il n'y a rien dans la sensation, c'est uniquement la manière dont on y croit ou dont on interprète. Si c'était vraiment un trouble intellectuel, Merleau-Ponty fait remarquer qu'on devrait aller jusqu'au bout. On devrait donc prêter une consistance absolument objective, comme nous interprétons objectivement nos contenus sensoriels. Et on n'aurait pas cette distinction fondamentale entre l'halluciné et le perçu. L'halluciné systématiquement, de manière normative, et ce serait juste des exceptions si ce n'est pas le cas, devrait croire à ces hallucinations. Alors, l'argument de Merleau-Ponty est très simple, ça veut dire que c'est les théories empiristes ou les théories intellectualistes, elles sont fausses parce qu'elles sont incapables de penser autre chose que l'être objectif. Que ce qui est produit dans l'hallucination, c'est un être objectif. Qu'il soit objectif à partir de l'excitation des centres sensoriels ou qu'il soit objectif à partir des croyances ou des interprétations que donne le sujet halluciné. Et bien évidemment, c'est pas ça qui se passe. Puisque le sujet halluciné fait une distinction et sait très bien que son hallucination n'appartient pas au monde objectif, ce qui ne l'empêche pas d'être halluciné. Alors ça, je crois que c'est vraiment un élément très fin qui montre que le percipiens n'est justement pas cette espèce de sujet unitaire dont est en train de nous parler Lacan. Et que lorsqu'il critique le percipiens comme sujet unitaire, il essaie de construire quelque chose qui est une explication alternative à la complexité déjà introduite dans le problème par Merleau-Ponty quelques années avant. Par Merleau-Ponty et par toute la tradition de la phénoménologie allemande, en particulier de Strauss. Strauss, c'est celui avec un seul S. Alors, il faut raffiner un peu ici, parce qu'il faut faire une place à la question de la pure paranoïa, de la paranoïa la plus... celle où justement les phénomènes, ces paranoïas rares, celles des revendicateurs purs, des gens qui sont, même en fouillant énormément, on arrive à peine à trouver des petites illusions de la mémoire, des choses comme ça, mais vraiment des trucs extrêmement légers. C'est que c'est l'observation suivante, qui est une observation qu'on attribue à Lacan, mais que je crois que Lacan avait pris à Henriet. C'est Henriet qui faisait ce truc-là, c'est que c'est vrai qu'un paranoïaque ne croit pas, peut ne pas croire à ses voix. Le problème, c'est que il croit ses voix, il croit pas ses voix, mais il croit à ses voix. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut vous dire, ah non, mais c'est des hallucinations. Sauf que ce qu'il va faire et comment il va vivre, c'est en fonction de la signification de ce que les voix lui disent. Autrement dit, par exemple, quand vous abaissez par des médicaments, c'est une expérience très banale, les pics sensoriels, n'est-ce pas, le caractère torturant des voix, n'est-ce pas, ça brase comme ça, en mettant le poids le poids qu'il faut de neuroleptiques, ça descend. Bon. Effectivement, il y a une forme de soulagement par rapport à ce qui serait l'esthésie vécue de la voix. Mais c'est pas ça qui va empêcher l'halluciné de se sentir une pédale ou une ordure. Pas du tout. C'est-à-dire que la signification des invectives, des insultes, etc., l'organisation de l'espace d'agir comme s'il était désigné par Dieu comme quelqu'un qui a quand même de toute façon une signification bien particulière dans l'univers, hein, même si effectivement les voix diminuent. Autrement dit, et ça c'est quand même, je crois, un élément troublant de l'hallucination acoustico-verbale, c'est que même quand vous enlevez l'acoustique, même quand vous enlevez le verbal, même quand vous enlevez tout, il n'y a plus rien sur quoi on puisse sentir ou qu'on puisse interpréter comme étant des voix, au sens de voix. Hein. Néanmoins, ce que disent les voix, c'est-à-dire la donnée synchronique de l'existence, le sens qu'a votre vie, hein, reste commandé par la signification de ce que les voix disaient, même si on ne les entend plus. C'est-à-dire que la signification, elle s'en va pas avec le neuroleptique, quoi. Et même avec beaucoup, il y a cette espèce de dimension qui subsiste. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point très important, c'est de se méfier. Par exemple, beaucoup de gens croient la fameuse idée que le délire s'améliore quand les gens sont capables de critiquer leur délire. Moi, je veux bien que les gens soient capables de dire « Non, mais j'hallucinais, j'entendais des voix. » C'est Très bien, on voit les gens dire ça. Le problème, c'est que ce que les voix leur disaient, ça, c'est pas enlevable. Ça, c'est pas critiquable. C'est-à-dire qu'il y a une dimension et une donnée synchronique de là, de là où la voix vous a mis et de ce qui définit les coordonnées de votre existence. Même si on peut dire tout ce qu'on veut sur la voix, ce que la voix a dit restera toujours comme une trace. Ce n'est pas exclusif à la psychose, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de gens que les psychotiques qui entendent des voix. Comme j'en parlais là au début là, avec ces groupes de gens là, qu'on appelle les entendeurs de voix. Vous avez toutes sortes de phénomènes, par exemple dans les religions, dans le mysticisme. Les gens entendent des voix, ont des phénomènes de ce genre. Même quand ils ne les entendent plus, vous avez le même phénomène, n'est-ce pas ? Même quand ce n'est pas des hallucinations psychotiques, vous avez la même donnée qui elle, ne bouge pas, ne varie pas, de quand même, ça m'a été dit. Ça m'a été dit, et la signification de ce qui m'a été dit, même si ça ne m'est pas parlé dans l'oreille, subsiste. Alors, la thèse de Merleau-Ponty est donc que le percipiens, le vrai problème du percipiens, est au-delà de ce que Lacan essaie de faire croire, hein, c'est-à-dire de la traditionnelle opposition de l'empirisme et de l'intellectualisme pour interpréter ce que c'est que cette perception sans objet. Et ce que Merleau-Ponty propose apparaît page 396. Je vous lis ce... il s'appuie de beaucoup sur Minkowski pour dire ces choses-là. Comment est-ce qu'il est possible que... dans le rapport que j'ai au monde qui m'environne, à la fois j'ai des perceptions ordinaires et j'ai des hallucinations. L'halluciné, dit Merleau-Ponty, n'en croit pas tant. C'est-à-dire, il ne croit pas à la texture absolument continue du monde dans lequel il est pris. Le phénomène hallucinatoire ne fait pas partie du monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas accessible, qu'il n'y a pas de chemin défini qui conduise de lui à toutes les autres expériences du sujet halluciné ou à l'expérience des sujets sains. « Vous n'entendez pas ma voix, mes voix, dit le malade, je suis donc seul à les entendre. » Je crois que ça, c'est vraiment une formule aussi, un usage du « je ». « Vous n'entendez pas mes voix, je suis donc seul à les entendre. » Les hallucinations se jouent sur une autre scène que celle du monde perçu. Elles sont comme en surimpression. « Tenez, dit un malade, pendant que nous sommes en train de parler, on me dit ceci et cela. Et d'où est-ce que cela pourrait venir ? » Si l'hallucination ne prend pas place dans le monde stable et intersubjectif, c'est qu'il lui manque la plénitude, l'articulation interne qui font que la chose vraie repose en soi, agit et existe par elle-même. La chose hallucinatoire n'est pas comme la chose vraie, bourrée de petites perceptions qui la portent dans l'existence. C'est une signification implicite et inarticulée. On est vraiment, je trouve, au plus près hein, de ce que Lacan essaie de nommer. En face de la chose vraie, notre comportement se sent motivé par des stimuli qui en remplissent et en justifient l'intention. S'il s'agit d'un fantasme, c'est de nous vient l'initiative, rien n'y répond au dehors. La chose hallucinatoire n'est pas, comme la chose vraie, un être profond qui contracte en lui-même une épaisseur de durée. Et l'hallucination n'est pas, comme la perception, ma prise concrète sur le temps dans un présent vivant. Ce que veut dire ici Merleau-Ponty, c'est que quand on fait justement la phénoménologie de l'hallucination, c'est vrai que les gens parlent de voix. Mais si vous avez déjà eu l'occasion d'entrer très en détail avec un halluciné sur la texture des voix, sur pourquoi il appelle ça une voix, quelle langue ça parle, tout d'un coup la personne peut être un peu perplexe, les gens qui sont bilingues, d'identifier que c'est des voix de femmes, qui s'identifient. Non, c'est pas vraiment des voix de femmes, c'est des voix d'enfants, ça me parle dans telle langue, etc. Et parfois d'être incapable, alors que ce sont des voix, de donner tout le schéma de la plénitude sensorielle et donner de ce que c'est qu'une voix. C'est-à-dire d'être incapable de lui assigner un ton, un pitch, une langue, une texture, tout en disant que ce sont bien des voix que ça parle. Et donc, ce que dit... alors, je prends l'exemple de la voix, mais c'est encore plus manifeste avec les hallucinations visuelles, et en particulier les hallucinations neurologiques. Prenez par exemple les hallucinations lilliputiennes dans l'hallucinose de Wernicke, par exemple, les hallucinations sur les bords de meubles ou les chambranles de portes, etc., qu'on avait chez les hétéromanes. Il y a certains alcooliques qui ont ce genre de trucs. Ou bien, si vous avez déjà vu un grand délirium très mince, les gens qui voient des rats, ils voient des grouillements, voyez, ils voient des insectes. Ils voient des c'est des rats hein, que j'ai vu à Villévrard, enfin, que j'ai vu, on se comprend, on avait bu un coup avant, c'est des rats, mais ça court, voyez, mais en fait ce sont plus les ombres fugitives des bêtes qui courent. Ça commence sous un le rat passe derrière la porte là, comme ça. Et en fait ce que vous voyez, c'est la trace du déplacement de l'animal qui vient se dissimuler derrière la porte. Tout d'un coup, vous vous levez parce que vous avez senti comme un mouvement de serpent sur la cuisse, comme ça. Et alors, c'est probablement d'ailleurs encodé dans les trucs qui nous font le plus horreur, hein, les insectes, etc., parce que ce sont des objets de phobie qu'on peut déclencher presque mécaniquement. Hein. Tout ce qui grouille, les animaux de cette espèce qui apparaissent dans le délirium très mince. Mais ce ne sont pas des rats vous voyez, comme dans un cauchemar, vous accable par la précision extraordinaire des moustaches, de la grimace, du bruit, du poil, etc. Ce sont des stylisations visuelles. Ce sont des espèces d'ombres portées des choses, de choses qui sont comme des rats. Mais sauf qu'effectivement, on va les appeler des rats. La même chose vaut pour les voix. Qu'est-ce qui fait que la personne peut dire « il n'y a que moi qui les entends » C'est pas simplement que c'est dans son monde privé qu'elle est en train de revendiquer un monde privé. C'est qu'effectivement, c'est des voix comme des voix. Ça a un peu moins de cette plénitude, ça n'est pas connecté avec tout ce que Merleau-Ponty appellera plus tard la chair du monde, l'interdépendance sensorielle de tous les éléments, le nexus causal indéchirable des objets qui fait que ma jambe se cogne contre la table, que le contour de la chose s'incline contre la chair, que le poids de mon corps, la distance, la lumière, tout conspire à enrichir avec cette espèce d'extraordinaire fécondité de la chair sensorielle des choses, le rapport que j'ai à elle, je suis moi-même immergé dedans. Non, là, c'est comme si vous avez pas des semblants en même temps, hein. C'est plus qu'une illusion, mais c'est moins qu'une chose. Et c'est pour ça que ça peut être, dit Merleau-Ponty, relativement détaché. Elles sont déjà stylisées, elles n'ont aucun lien de causalité avec l'entour. Par exemple, on n'a jamais vu un halluciné parler de ses voix et dire qu'elles ont un écho quand on est au bord de la falaise, n'est-ce pas ? La voix, elle n'a justement pas, je dirais, les propriétés de la voix. Elle s'arrête comme ça. Et quel que soit d'ailleurs le réalisme avec lequel vous pouvez dire les choses. Même quand la voix dit qu'elle chante, par exemple, et que vous avez affaire à un halluciné musicien, vous ne pouvez pas lui faire caractériser les richesses du timbre de la voix. Elle a un timbre, mais elle n'a pas les harmoniques de la voix, etc., etc., etc. Et ça, c'est ce qui particularise le phénomène délirant. C'est ce qui fait que, justement, comme dit Sass, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup frappé, on accède spécifiquement à l'hallucination visuelle ou à l'ambiance délirante à travers certaines œuvres d'art, hein, comme par exemple les tableaux de Giorgio de Chirico, hein, dans lesquels il y a une certaine modalité de la photographie, de l'image, de la peinture, qui vous fait sentir l'étrangeté des choses, par cette opération de stylisation, de particularisation, qui leur donne leur caractère épiphanique, hein, comme il le commente d'ailleurs chez Joyce, sans savoir qu'il ne savait pas que Lacan avait énormément travaillé sur la notion d'épiphanie. Et donc, qu'est-ce qui fait le percipiens ? Le percipiens, les hallucinations, dit page 399 Merleau-Ponty, les hallucinations ne sont rattachées à un certain domaine sensoriel qu'en tant que chaque champ sensoriel offre à l'altération de l'existence des possibilités d'expression particulières. Le schizophrène a surtout des hallucinations auditives et tactiles. Ça venait de la clinique allemande, ça vient surtout de Strauss. Parce que le monde de l'ouïe et du toucher, en raison de sa structure naturelle, peut mieux qu'un autre figurer une existence possédée, exposée et nivelée. Alors les hallucinations tactiles, c'est curieux parce que les Allemands ont beaucoup travaillé sur les hallucinations tactiles. Le grand cas en français, c'est Berbiguet, hein, de Terre-Neuve-du-Tin. J'en ai parlé, mais je crois que ça n'a frappé personne. Alors, il faut absolument que vous lisiez Les Farfadets. C'est Paul-Louis Combet qui a préfacé ce texte. Les Farfadets de Berbiguet, qui est... Alors, Berbiguet, c'est le Schreber français. Hein, c'est un type, un contemporain de Rousseau, vécu un peu après Rousseau, qui a raconté que le monde était entièrement livré aux farfadets. Et le combat de Berbiguet, c'est le combat contre les farfadets, qui sont la cause du mal, des mauvaises récoltes, des guerres, des batailles, des discordes conjugales, etc. etc. Et les farfadets, ces êtres absolument démoniaques, que lui seul est parfaitement capable d'identifier. Il écrit au roi pour leur proposer de monter des armées anti-farfadets. Enfin, c'est des choses incroyables. Les farfadets, c'est lui court sur la peau. Et donc, vraiment, c'est, vous avez là quelque chose qu'on voit effectivement peu souvent. Enfin, j'en ai jamais vu, hein, mais chez Berbiguet, c'est totalement saisissant. Il s'endort, et dès qu'il a tiré sa couverture, ça y est, les farfadets commencent à courir sur le lit pour lui tirer les moustaches, lui arracher les cheveux, lui enfoncer le doigt dans l'œil, etc., et pour le persécuter. Il y a des gens qui ont fait des livres pour enfants à partir de ça. Ah oui ? Les farfadets. Ah oui, bah les farfadets, c'est des créatures mythologiques qui existent, sauf que lui, il les voit, il les sent sur la peau. Parce qu'elles sont invisibles, mais il les sent marcher sur lui. Voilà, donc effectivement, ce qui est essentiel là-dedans, c'est que la peau et l'ouïe, ce sont des choses sur lesquelles auxquelles vous ne pouvez pas échapper. On ne peut pas se boucher les oreilles en sorte de ne pas entendre. Et la peau, hein, comme dit Aristote, c'est le sens que vous ne pouvez pas ne pas avoir. Vous pouvez être muet, aveugle, etc. Mais le toucher, comme dit c'est une observation ancienne d'Aristote dans le De Anima, n'est-ce pas ? Le toucher, vous ne pouvez pas ne pas sentir quelque chose. Ou alors, quand vous ne sentez pas, ce sont des créatures démoniaques. Celles qui ne sentent pas avec la peau, on n'en voit que dans les films de James Bond, n'est-ce pas, des gens qui ont des lésions neurologiques extraordinaires, ils peuvent se tirer une balle, s'enfoncer des couteaux, ils sentent rien, enfin, leur chair est devenue totalement insensible, et ce sont des figures de morts vivants, hein. Ce sont des êtres complètement mystérieux et étranges. Hein, normalement, là, ce sont ces organes-là que vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez absolument pas... Et donc vous êtes entièrement livré à l'autre par votre peau et par vos oreilles. L'alcoolique a surtout des hallucinations visuelles parce que l'activité délirante, et c'est vrai, là il y a une vraie théorie alternative de l'hallucination, hein, trouve dans la vue la possibilité d'évoquer un adversaire ou une tâche auquel il faut faire face. Alors, c'est une certaine interprétation du délire alcoolique, des hallucinations du délire alcoolique, qui effectivement a une texture onirique très particulière. Hein, c'est, je crois, Lasseg qui a écrit cet article fameux sur le délire alcoolique n'est pas un délire mais un rêve, dans lequel, effectivement, il insiste beaucoup sur la dimension de visualisation cauchemardesque. Ça va certainement beaucoup plus loin, parce que si vous avez déjà vu un jaloux alcoolique, c'est presque pathognomonique de la jalousie des alcooliques, c'est qu'ils voient. C'est pas qu'ils entendent une conversation au téléphone, c'est pas qu'ils entendent quelqu'un qui parle à leur femme, etc. Non, ils voient quelque chose sur le corps qui est la trace du fait que leur femme les trompe ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de... Ils se retournent, ils ont l'impression de voir disparaître l'amant derrière un rideau. Ils ont, il y a effectivement une sorte de suscitation du partenaire de la jalousie dans l'espace visuel qui fait qu'ils sont complètement en train de regarder dès qu'ils sont assis à côté. C'est en général comme ça que les choses commencent à se gâter avec le conjoint. C'est que dès qu'ils sont assis dans un lieu public avec le conjoint, le grand délire de jalousie consiste à ce que le conjoint disparaît de l'espace visuel du jaloux et qu'il n'y a plus que les regards des hommes qui tournent tout autour. Des hommes ou des femmes d'ailleurs, c'est pas forcément hétérosexuel, ces anticipations-là. Donc l'halluciné, continue Merleau-Ponty, ne voit pas, n'entend pas au sens du normal, il use de ses champs sensoriels et de son insertion naturelle dans un monde pour se fabriquer avec les débris de ce monde un milieu factice conforme à l'intention totale de son être. Donc vous voyez ici, il y a une conception, je trouve, alternative, toujours extrêmement présente et vivante dans la phénoménologie et dans la psychiatrie phénoménologique contemporaine, qui vous fait mesurer le coût de la construction de Lacan. Le coût de la construction de Lacan, c'est vraiment de laisser entièrement tomber toute cette possibilité d'interpréter la pluralité des engagements sensoriels des délirants dans leur monde délirant en termes d'intention subjective. C'est que là, le percipiens unitaire donne un sens, et qu'il y a des sens particuliers pour certains types de délire. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait particulier. Alors, à partir de la déconnexion qui se fait ici entre l'hallucination et la perception, ce que Merleau-Ponty indique, c'est que ça nous apprend quelque chose. C'est que pour qu'on puisse avoir à la fois des perceptions et des hallucinations, il faut supposer un rapport encore plus primitif au monde qui nous entoure. Et c'est ce rapport encore plus primitif au monde qui nous entoure qui se décline tantôt en hallucination, tantôt en perception. La perception est la forme riche engagée dans l'action, dans l'interaction, dans la temporalité, dans la continuité temporelle de l'expérience sensible. L'hallucination est plutôt une forme de soustraction, c'est un moment de soustraction dans lequel certains éléments de la réalité vécue et perçue sont stylisés, extraits, arrivent en surimposition, comme dans les hallucinations visuelles, par exemple, et prennent une qualité plus subjective. C'est très frappant parce que les termes mêmes qu'emploie Maurice Merleau-Ponty à l'époque, et à l'époque où Wittgenstein est totalement inconnu dans la sphère culturelle dont on est en train de parler, c'est justement celle du monde privé. C'est-à-dire que l'expérience de l'hallucination est rapportée à une privatisation de l'expérience sensorielle, mais cette privatisation n'est pas une privatisation monstrueuse, c'est une potentialité intrinsèque du rapport aux choses. Et ce que dit Merleau-Ponty, et c'est là, bon, c'est quelque chose qui va poursuivre pendant les 10 années qui ont suivi, enfin même les 15 années jusqu'à sa mort, hein, c'est que en deçà du seuil de ce que nous appelons la perception engagée dans l'objectivation des sensations, etc., vous avez un rapport plus primitif à l'être, à sensia, par le biais de la sensorialité, où ma chair est chair compénétrer des choses dont elle se saisit et dans lesquelles je suis impliqué à la fois de matière motrice, sensorielle, etc. Et il désigne par là quelque chose que Husserl appelle, d'un mot que je préfère, il l'appelle urdoxin ou urglaube, croyance originaire. Je préfère garder urglaube parce que je ferai tout à l'heure un rapprochement avec l'unglaube chez Freud, la non-croyance hein, dans la paranoïa, qui est le fait que nous adhérons de manière absolument primitive, originaire, au fait que nous sommes pris dans les choses. Nous sommes avec les choses dans le monde. Être au monde, c'est fondamentalement être dans cette ouverture incontestable à tout ce qui se présente à nous. L'exemple, alors il y a un texte très joli de Husserl qui est une tentative de montrer ce que c'est que cette corporéité qui nous engage originairement dans les choses et qui est préalable à toute objectivation de la perception, pensée de la relativité de mon corps par rapport aux autres choses, etc. C'est un texte qui a été traduit en français, que vous pouvez lire, qui s'appelle « L'arche originaire terre ne se meut pas ». Quelqu'un a entendu parler de ce texte ?« L'arche originaire terre ne se meut pas », c'est une forme de défense phénoménologique du monde non galiléen. C'est-à-dire qu'avant que vous ayez le monde objectivé par la physique, dans lequel la Terre tourne, le fait est que nous sommes sensoriellement dans un monde où c'est le soleil qui se lève. Que vous le vouliez ou non, vous ne voyez pas la Terre tourner, et vous ne sentez pas que la Terre tourne quand le soleil se lève. Que vous le vouliez ou non, votre mode d'adhésion au monde dans lequel vous êtes, c'est la modalité sous laquelle vous êtes là, sur une arche immobile, la Terre, hein, qui ne se meut pas. Et c'est le soleil et la Lune tourne autour. Et ça, vous avez beau, en quelque sorte, c'est pas une illusion sensorielle, c'est pas une illusion des sens dont Galilée nous aurait guéri en montrant que la Terre tourne. Non, pas du tout. Parce qu'on peut savoir que la Terre tourne, mais on ne peut pas sentir de ce mode de sentir originaire que la Terre tourne. Et pour Galilée, comme pour les autres, la Terre est immobile. C'est ce qu'on sent dans l'engagement corporel. Et c'est ça qu'il appelle Urglaube, Urdoxa. C'est tout cet ensemble d'engagements liés à la corporéité, liés au sens immédiatement donné dans lequel nous sommes, et qui implique quoi ? Qui implique le fait que nos organes des sens sont des organes qui sont entièrement construits pour penser l'immobilité du support sur lequel nous sommes. Ça va très loin. Berthoz avait fait remarquer une fois que justement ça va tellement loin que même notre imagerie onirique comporte encore un index qui n'est sensoriel, qui ne bouge pas, c'est l'orientation newtonienne de la chute des corps. C'est-à-dire que même en rêve, vous pouvez faire toutes les choses les plus invraisemblables, mais l'orientation des données perceptives, c'est toujours de haut en bas, les objets tombent dans le rêve. Et que quand vous volez, vous sentez que vous volez. C'est pas que vous vous déplacez dans un espace vide, c'est-à-dire que l'ensemble de vos représentations kinesthésiques impliquées dans le rêve, la matière même de vos représentations kinesthésiques, fait que vous êtes par rapport à un référentiel terre, un référentiel sol, et que vous vous décollez du sol, que vous volez, que vous vous posez, etc. C'est un encodage. Alors évidemment, c'était écrit chez Berthoz, il le décrivait en termes d'encodage cognitif, n'est-ce pas ? Mais c'est une sensorialité qui est tellement incontournable qu'elle nous montre comment notre corps est pris là-dedans. Et ça, c'est une urdoxa, urglaube, une croyance originaire. C'est par là que nous sommes, de façon extrêmement concrète, engagés dans la substance même du monde. Vous voyez, c'est ça le point très important. Alors, l'idée de Merleau-Ponty, il conclut sur ce point, c'est que le problème qu'elle a halluciné, c'est la temporalité. Le problème qu'il a, c'est pas, vous voyez, on n'est pas du tout dans le registre de la signification, on est dans le problème de la temporalité. C'est que précisément l'hallucination ne tient pas dans le temps. Tandis que la chose vraie, ce qu'il appelle la chose vraie, la chose qui est réellement perçue, non seulement elle tient dans le temps, mais elle est au contraire ce qui déploie dans la temporalité toutes les facettes de l'existence et de sa dimension. Bon. Par exemple, dans l'hallucination visuelle, on ne peut pas faire le tour de l'objet qui est halluciné visuellement, parce qu'il reste une esquisse. Il n'a pas de dehors, de derrière, de dessous. Il ne repose pas sur quelque chose. Son volume n'a pas... Les reflets de lumière, par exemple, ne sont pas du tout... Il lui manque cette dimension. Il ne peut pas maintenir dans le temps ses facettes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très sensible dans les hallucinations schizophréniques. C'est que, quelles qu'elles soient, ces hallucinations schizophréniques, elles laissent le sujet perplexe. C'est pas tellement qu'il y a une sorte de dialectique de la certitude et de la perplexité qui est vrai, hein, où les gens alternent. C'est que ce qui m'importe dans la formule, c'est que ça laisse perplexe. C'est qu'une fois qu'elle est passée, vous avez bien perçu quelque chose, et bien vu que le regard, et bien senti le mouvement dans l'influence, etc. Mais la personne qui est censée avoir pensé quelque chose de vous fait quelque chose. Envoyer un signal, ben, elle se comporte pas comme elle devrait si elle avait vraiment fait ce geste, envoyé ce signal, etc. Un peu comme si la transcendance du temps, le fait que l'on ne peut pas forcer le phénomène hallucinatoire à perdurer, on ne peut pas, s'opposait à l'hallucination. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'être, ça laisse perplexe, c'est qu'effectivement la perplexité, elle est une expérience de la temporalité. C'est-à-dire que ce qui doit normalement perdurer, tout d'un coup s'arrête, et vous laisse comme en dehors, comme sur le sable, ça vous laisse sur le sable en réalité. Le mouvement ordinaire de la perception ferait que l'objet, le vrai objet, continue à exister. La voix, ben, on peut lui répondre, on peut lui parler. Puis, il y a même des dialogues de voix. Hein, vous savez que c'est des choses qui sont très... Puis à un moment, ça perd sa consistance et on ne sait plus si c'était vraiment quelque chose ou pas. Et cette manière d'être laissé perplexe, c'est quelque chose que je rapprocherais plutôt de l'expérience de ce que Merleau-Ponty appelle ici l'expérience de la transcendance du temps. On ne peut pas forcer la chose à durer plus longtemps. À déployer toutes ses facettes, à montrer toute sa richesse ontologique, son devant, son derrière, sa transformation, son dessous, ses couleurs, ses facettes, son goût, sa saisissabilité, ses interactions causales avec le monde d'autrui, tandis que les vrais objets perdurent. Il y a un truc comme ça très... comment c'est dans Inception, la dernière image, vous savez, je sais pas si vous avez vu ce film, n'est-ce pas, où il y a une toupie qui tourne, n'est-ce pas, c'est une manière de jouer, hein, de cette chose-là, c'est-à-dire de la question de savoir si cet objet qui est l'objet qui sert en quelque sorte à savoir si on est dans le rêve ou dans la réalité. Donc l'image se coupe sur la toupie parce qu'on ne sait pas si la toupie va tomber ou pas, si la toupie ne tombe pas, c'est justement qu'on est dans le rêve. Parce que le seul critère de l'organisation de la réalité des choses, c'est le fait qu'on ne peut pas forcer, par une opération perceptive, le temps à faire durer la chose. C'est le temps qui fait durer ou qui ne fait pas durer la chose et qui, de toute façon, commande l'ordre des apparitions, des transformations, des interactions causales, etc. Alors, ce vers quoi il s'achemine ensuite... C'est pour ça que je préférais l'expression de Urglaube chez Husserl, mais vous avez Urdoxa qui est très, très commun. C'est que justement, ça vous donne une mesure de ce que ça peut être, du coup, la fameuse Unglaube chez Freud, cette espèce de non-croyance originaire. C'est le point que je vais mettre en réserve, c'est que cette Unglaube, elle ne peut porter que sur... un rapport, ce rapport originaire à quelque chose de la donnée ontologique de chacun dans le rapport au monde. C'est pas croire un truc incroyable. Ça, c'est une chose qui me paraît tout à fait évidente. Ça n'est pas croire un truc incroyable. C'est une lésion particulière dont Lacan va parler, et c'est par là qu'on peut mieux comprendre, je pense, que ce qu'il appelle la forclusion, c'est une sorte de lésion particulière de cette adhésion, adhérence primitive au monde, et qui n'est pas simplement dans l'espace sensoriel. Donc, comme dit Merleau-Ponty, je reprends la conclusion, les dernières pages, donc vous pourrez aller lire de la chose et le monde naturel, de la troisième partie le percipiens qu'il défend, c'est percipiens complexe, c'est un percipiens qui a renoncé justement à être un percipiens complètement comme un cogito qui se rapporte à lui-même de manière entièrement pleine et ouverte. C'est un percipiens qui est pris dans un double mouvement. Dans le mouvement, d'une part, d'objectiver et de transformer en perception objectivée un certain nombre de représentations qui ont trait plutôt à la foi primaire, à l'adhésion primaire au monde dans lequel il est, et d'autre part, qui, dans cette entreprise de construction de la chose vraie, est soumis à l'ordre du temps, à la transcendance du temps, et donc n'a jamais affaire à des objets complètement clos sur eux-mêmes, à des êtres objectifs, mais à des objets qu'on parcourt infiniment et qui sont finalement constamment offerts à une sorte de révision, de complément, de potentialité, qu'est-ce que d'autres facettes se manifestent, etc. Et c'est un processus complètement infini qui, du côté de l'objet, fonctionne de cette manière, mais aussi du côté du sujet. C'est-à-dire que la certitude que l'objet est bien l'objet, dit Merleau-Ponty, est une certitude présomptive. C'est quelque chose qui est un guide dans l'exploration de l'objet, dans la construction de l'objet tel qu'il est véritablement perçu, mais qui n'est absolument pas donné d'emblée. Et donc, dans l'hallucination est rapportée très clairement chez Merleau-Ponty à la famille aussi bien de ce qu'il y a dans les psychoses que ce qu'il y a dans les troubles neurologiques, et qu'on appellerait plutôt des illusions, chez les épileptiques ou bien dans les hallucinations extracampines, qui sont des hallucinations quand même totalement stupéfiantes, n'est-ce pas, où les gens voient à travers une fenêtre qui est derrière eux, se voit à d'autres endroits de la pièce. Enfin, ce sont des hallucinations qui ont un caractère, on dirait vraiment des contes fantastiques, hein. Et qui peuvent effectivement, en plus c'est des hallucinations extracampines, c'est des hallucinations qui peuvent laisser tellement en parfait état le reste de votre fonctionnement cérébral que vous pouvez en parler, vous pouvez discuter, vous pouvez vraiment avoir une sorte de véritable discours. On a l'impression, comme je faisais allusion à l'homme au sable ou au conte d'Hoffmann, à quelque chose de complètement incroyable. Hein. Ce ne sont pas du tout des lésions où la personne est nécessairement aphasique, démolie, etc. Ça peut tout à fait se produire chez des gens qui ont apparemment des comportements tout à fait normaux. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, au fond, la possibilité de l'hallucination et de la perception procède de notre prise dans le monde. Et donc, qu'est-ce que vous avez dans l'hallucination ? Vous avez soit un refoulement, dit-il, de la vraie chose dans la fausse, soit, dit-il, une manière de descendre à un seuil du rapport aux choses telle que la question de savoir si la chose est vraie ou fausse ne se pose plus. C'est-à-dire, et c'est plus vraisemblablement ça, c'est un peu ambigu dans le texte, vous verrez ce que vous en pensez, mais de revenir justement à éprouver quelque chose comme la urdoxa, comme la urglaube dans le monde. Où au fond, c'est un mode de rapport aux choses où, ben oui, il y a des voix. On perçoit. Hein. On ne perçoit pas comme on perçoit au sens de la perception ordinaire, mais néanmoins, ça se donne comme ça, comme quelque chose qui est infiniment, qui est présent, et qui est en deçà du vrai et du faux dans l'expérience qu'on en a. Je conclue cette séance sur un certain nombre de points. premier point, je vais très rapidement là-dessus. Le rapprochement que Sass fait à Wittgenstein devrait vous paraître beaucoup plus naturel qu'il n'est, puisqu'en fin de compte, il suffit de regarder Merleau-Ponty, vous voyez tout de suite apparaître la question du solipsisme, la question du monde privé. Il suffit simplement d'y ajouter l'analyse grammaticale. C'est pas, vous voyez, une sorte de collision bizarre de Wittgenstein dans la phénoménologie. La deuxième chose, c'est que la phénoménologie nous montre, en proposant cette idée de Urglaube, ce contre quoi s'adosse la Unglaube freudienne. C'est-à-dire ce trou dans le monde, le fait qu'il y a quelque chose qui, tout d'un coup, il y a un trou là-dedans, qui fait que tout ce qui va apparaître dans ce trou dans le monde va être, mais alors au sens propre, littéral, immonde. C'est le lieu d'où sort l'immonde dans la psychose. C'est le lieu d'où ça jaillit. L'immonde, improprement parlé, la truie. Cet objet innommable, hein, c'est un immondice, c'est l'immonde. C'est vraiment ce qui ne peut être nommé que quand on insulte la chose, que par le biais de l'insulte. Ça ne peut être nommé que sur le mode d'être expulsé de à la fois par la bouche, mais par toute la pensée, par tout l'être, de ce dont il s'agit dans l'ordre humain des choses. Il y a des choses, on ne peut pas les nommer. On ne peut que les vomir, d'une certaine manière, que les insulter. Et ce sont précisément celles qui sont sur les bords de ce qui, pour chacun d'entre nous, peut être éventuellement plus ou moins bien découpé dans le monde et nous paraître plus ou moins acceptable à l'intérieur de notre monde. Je crois que ça, c'est vraiment un truc très, très important, c'est que si on voulait vraiment donner toute sa crédibilité à ce que Lacan indique en parlant de cet objet rejeté, hein, qui fait retour dans le réel, c'est que c'est un immondice. Et que, par exemple, le truie, je crois que ce qui est crucifiant dans l'expérience de l'hallucination, c'est que c'est pas simplement que l'objet qui est nommé par la voix quand elle vous insulte et qu'elle vous dit pédé par exemple, ou salope, ou pute, etc., que cet objet est un objet sale, c'est qu'il y a quelque chose de spécifiquement ignoble, immonde, dans la profération de la voix elle-même. Il y a je ne sais quelle nuance que tous les hallucinés vous diront, selon lequel la voix elle-même est immonde. La voix, elle a quelque chose qui est par un... Alors évidemment, comme elle est dans l'être, comme elle est quelque chose, elle est encore... Elle a certaines qualités particulières. Mais elle, par un effet de bord du trou dont elle procède, n'est-ce pas, elle est quelque chose d'ignoble. Elle est, on est insulté, c'est quelque chose qui vous dégouline dessus comme une merde, comme quelque chose de répugnant, comme quelque chose qui vous glace, qui vous fait une sensation corporelle absolument térébrante et insupportable. Et donc, l'Unglaube sera très facilement repris au titre de la forclusion chez Lacan comme l'indication du fait qu'il y a quelque chose dans l'articulation même originaire du monde qui est lacunaire, où il y a un trou, où il y a quelque chose. Et sur les effets de bord de ce trou viennent proliférer quelque chose qui est dans l'être ce qu'il y a de plus près du néant, c'est-à-dire un immondice, quelque chose d'effrayant, d'horrible, de dégoûtant, hein, qui ne peut susciter que la révulsion la plus angoissée. Et alors évidemment, lorsque vous le voyez sous la forme du retour d'un regard, d'une voix, etc., dans l'hallucination, c'est ces effets de bord de ce trou du rapport originaire au monde qui est en cause. Et donc, vous voyez aussi que la forclusion, il n'y a absolument aucune espèce de raison de penser que chacun d'entre eux, enfin, même si la forclusion très profonde ou très radicale ou très spécifique, on ne sait pas quel mot employer, que désigne Lacan comme forclusion du nom du père, est une forclusion du rapport même de ce qui nous, le sujet au signifiant, qui fait une place, hein, qui fait que dans cet ordre il y a une place pour lui. Il n'y a absolument pas lieu d'ignorer, mais ça, c'est la clinique le montre toujours, que chacun d'entre nous, probablement, a tel ou tel point de forclusion qui vient indiquer ce qui lui fait spécifiquement horreur. Hein, et qui, effectivement, fait qu'il n'y a pas lieu de penser que les corps humains et les êtres humains, et la façon dont on leur parle, que nous sommes tous également, comme ça, plongés dans le monde, sans qu'il y ait certains endroits qui ne sont pas ressaisis par cette espèce d'ourglaube original, et qu'il y a des points pour chacun d'entre nous peuvent faire éventuellement forclusion. Et qui sont, alors évidemment, c'est ce qu'on appelle quelquefois des forclusions ponctuelles, mais qui peuvent expliquer certains petits phénomènes de bord, certains phénomènes hallucinatoires, certains phénomènes dépersonnalisants, certains phénomènes d'unheimlichkeit, par exemple, qui viennent traverser nos existences à tel ou tel moment, et qui indiquent que on n'est pas bien, on n'est pas dans notre monde... je dirais bien logé dans nos mondes, en quelque sorte. Hein. Ben, il y a toujours quelque chose du corps qui est. Et alors, l'ennui avec la conception de Merleau-Ponty, hein, c'est que évidemment, le modèle de sa conception de l'hallucination, qui est la conception phénoménologique finalement de l'hallucination en général, c'est le coût, hein, dont elle est payée. C'est que la schizophrénie. Et le modèle, pourquoi? Parce que c'est finalement la schize de l'ego qui est en jeu. C'est vraiment là. Il emploie le mot hein, de schize du moi. C'est en dernière analyse que la maladie ultime, c'est cette maladie de la temporalisation. C'est une maladie de la temporalisation. C'est une maladie dans laquelle quelque chose de la transcendance du temps, hein, du fait que le temps impose sa forme, impose sa texture à l'univers perceptif, eh bien, quelque chose laisse perplexe, laisse sur le sable l'ego. Et donc, effectivement, le modèle de l'hallucination, elle est effectivement plutôt visuelle, hein, c'est plutôt comme ça, ou sensorielle en général, c'est ce qui laisse perplexe le sujet. Au sens où il ne peut pas faire durer son hallucination, il ne peut pas lui donner toute la richesse de la texture de l'objet vrai, qui est l'objet qui déploie toutes ses dimensions dans une temporalité qui l'organise et qui est transcendante, contre laquelle on n'a pas de prise. Alors, est-ce que la productivité paranoïaque, sur laquelle insiste tellement Lacan, dans le délire de Schreber, dans le délire d'Aimé, peut-être jusqu'à un certain point réduite à ce dont parle Merleau-Ponty. Bon. Il y a quand même un point qui mérite d'être souligné, ça s'insiste énormément là-dessus, c'est que Schreber sait que ce qu'il vit n'est pas réel, hein, au sens où c'est peut-être réel que pour lui. Il l'explique même tellement bien à l'expert que le juge va lever l'incapacité, il va finir par dire, bon bah écoutez, si c'est comme ça, hein, si vous n'êtes pas prosélyte de votre religion, si par ailleurs vous jouez bien du piano et vous gérez correctement la fortune de votre famille, je ne vois pas pourquoi on vous retirerait vos droits. Et donc Schreber se retrouve rendu, alors qu'il est délirant, à sa famille. J'insiste beaucoup sur ce point parce que aujourd'hui, il n'y a aucune chance pour que Schreber soit rendu à sa famille. aucune, quelqu'un qui écrirait les mémoires, il n'y a pas un seul juge dans ce pays qui, lisant les mémoires, renverrait pas le bonhomme à son asile. C'est que le juge a parfaitement bien repéré que, quelle que soit l'immensité du délire, le point qui comptait, c'est que c'est un délire pour moi, qui n'avait aucune intention de convertir le reste de sa famille, etc. C'était simplement, c'est sa conception des choses. C'est comme ça qu'il tient. Et il lui importe de faire savoir cette conception des choses. Le juge interdit juste l'apparition du chapitre dans lequel il dit des trucs sur sa famille qu'il n'a pas le droit de dire. Et d'ailleurs, Schreber accepte tout à fait, etc. Mais pour le reste, il le laisse sortir. Ça, je trouve que franchement, ça mérite d'être souligné, parce que c'est quand même une époque où un type comme Schreber peut sortir de l'asile. Les malades de l'époque de Lacan, ils ne sortent déjà plus de l'asile. C'est-à-dire qu'il n'est pas absolu. Vous voyez, ça aussi, c'est une couleur de sociale, de fond, qu'il ne faut pas négliger. Quelqu'un comme Schreber, un Schreber en 1945, il ne sort pas de l'asile. Artaud, pour prendre un exemple de Villévrard, hein, Artaud, c'est un problème de le sortir de l'asile. Hein. C'est déjà plus, on n'est plus dans la même configuration. Bien. Enfin, toujours est-il que la paranoïa, et c'est sur ça que je vais terminer ce soir, la paranoïa pose un problème qu'on peut poser de la manière suivante. C'est que cette Unglaube, dans la paranoïa, ce qu'on voit, c'est la surcroyance, l'effet de certitude qui vient obturer le trou dans le système des croyances, dans la chose auquel on ne croit pas. C'est cette certitude délirante qui fait point de suture à un endroit très particulier. Ce qui fait, comme vous savez, qu'une paranoïa devient invisible. C'est que la paranoïa, c'est un fait, hein, c'est une maladie qui disparaît, parce qu'elle devient invisible quand la paranoïa réussit à recoudre complètement le dispositif des choses. Cette surcroyance, elle vient en quelque sorte suturer le point d'Unglaube, et par là, elle reconstitue une sorte de plénitude ou d'homogénéité de la vie psychique qui parfois peut même être tout à fait idéalisée chez les gens qui ont des convictions religieuses ou des convictions scientifiques ou des convictions politiques où effectivement tout se tient. Tout se tient sauf qu'ils sont complètement paranoïaques, hein, mais tout se tient. Avec, finalement, puisque le sujet de cette année c'était à quoi reconnaît-on une psychose, le fait que cette certitude-là, la certitude qui vient, l'hyper-certitude qui vient obturer le point d'Unglaube, elle l'obture dans l'angoisse. Il y a cette dimension d'angoisse qui fait que, me semble-t-il, qu'un des traits de la... ce qui fait paranoïaque aujourd'hui, c'est pas du tout ces dimensions de certitude. Ça, elles sont devenues, je pense, elles sont devenues assez invisibles. En revanche, ce que les gens supportent pas, c'est les passages à l'acte. Or, qu'est-ce que c'est que les passages à l'acte? C'est simplement que, de temps en temps, il faut extraire, et l'acte est le moyen d'obtenir ça, il faut extraire une certitude de l'angoisse. Un acte, c'est... il faut être kierkegaardien à cet égard, c'est la certitude qu'on extrait de l'angoisse. C'est une formule, je crois d'ailleurs, que Lacan reprend plusieurs fois dans l'acte et dans le séminaire sur l'acte et le séminaire sur l'angoisse, mais c'est une formule kierkegaardienne. Il n'y a que ça qui réussit fondamentalement l'acte, au sens même du passage à l'acte, à faire tenir l'ensemble du dispositif paranoïaque. Et le point qui me paraît le plus étonnant, c'est que très souvent, même cela, aujourd'hui, dans beaucoup de paranoïa, est masqué, parce qu'en fait, c'est un moyen d'interagir avec la totalité du monde. dans certains grands délires politiques ou religieux, comme ça, le passage à l'acte, c'est pas prendre un flingue, désinguer un tyran, etc. C'est la totalité des interactions d'un sujet avec les autres qui est en fait un passage à l'acte, qui est la vérification dans l'angoisse qu'on a réussi à réparer le tissu déchiré du monde. Et il y a quelque chose dans certaines formes, par exemple, de militantisme, de ce qu'on appelle les personnalités psychorigides. Ce qu'on appelle une personnalité psychorigide, c'est un type, même quand il se mouche, c'est un passage à l'acte. Personnalité psychorigide, c'est tout simplement quelqu'un où le raidissement de l'agir est un raidissement qui vise à chaque instant à extraire une certitude réparatrice et à l'extraire de l'acte, d'un militantisme infatigable, d'un engagement absolument permanent, exténuant, mais débordant d'activité, de rayonnement, etc. C'est souvent des gens complètement charismatiques, parce qu'à chaque moment, ce qu'ils extraient de l'acte, c'est ce qu'ils extraient de leur angoisse, ça, c'est cette certitude qui passe par l'acte. Et tout prend cette couleur. Comme ça. Et c'est tout à fait fascinant, c'est que, moi, c'est un objet sur lequel j'ai souvent invité à réfléchir, c'est que la paranoïa disparaît, c'est qu'elle devient invisible, puisque c'est un idéal de fonctionnement social. C'est un idéal complètement incroyable d'être, vous voyez, on ne s'écoute pas, on y va à fond, ces modalités d'engagement absolu, comme ça, avec les yeux qui... je ne sais quoi. Et ça devient presque invisible, cette texture-là de la paranoïa. Et le passage à l'acte n'est pas le passage à l'acte criminel où il s'agit de dénoncer l'injustice du monde, de tuer celui qui cause le désordre. C'est pas Bousquet qui sait très très bien qui... dont on sait très bien ce qu'il a fait, etc., et donc qui est protégé par Mitterrand, et le gars qui était dans le service de Schermak, il était arrivé à 10 mètres du bureau de Mitterrand, avant que les gendarmes de la sécurité présidentielle ne l'arrêtent, le type qui a tué... qui a tué Bousquet, ça faisait 15 ans qu'il avait dit que cette ordure-là, tout le monde savait ce qu'il avait fait, que c'était inimaginable qu'il ne soit pas en prison. Puis un jour, il a pris son fusil, puis il est allé l'assassiner. Bon, ce type-là, c'est parce qu'il y avait une tâche dans l'ordre du monde. Ça, c'est des paranoïas qu'on voit bien, mais c'est des paranoïas à l'ancienne. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est les paranoïas où tout est passage à l'acte, vous voyez, où l'engagement absolu, en fin de compte, des gens est une figure de ce passage à l'acte permanent qui produit de la certitude par le moyen d'un agir exacerbé et dans toutes les dimensions. Et celle-là, cette paranoïa-là, elle devient plus ou moins invisible. Alors, je crois que ça, c'est un autre mode, vous voyez, d'abord de la paranoïa, que celui que choisit Lacan à partir de Schreber et à partir du signifiant entendu comme le signifiant au sens linguistique. Mais si vous prenez le signifiant comme Lacan le suggère de le lire, disons, à partir du milieu des années 60, c'est-à-dire en l'indexant sur la problématique de l'acte, alors peut-être que vous voyez quelque chose d'un peu différent se dessiner. Bon, ben, c'est gentil d'avoir passé vos vacances, il est super tard. Merci. La prochaine fois, c'est le mois prochain.